mis sur tous les crânes. Rien qu'on fume la patate, donc à viser tous les camés. On vit des trucs de fou, mais je crois que c'est bien nous les rescapés. Je redescends d'un cran, à chaque sortie, je me sens tamponné. Quatrième projet, quatrième guerre, quatrième gagné. Les refs manquent à l'appel, nique sa mère, ils sont condamnés. Je les ai au bout du film et je les ai plus vus depuis tant d'années. Rien qu'on fume la patate, donc à viser tous les camés. On vit des trucs de fou, mais je crois que c'est bien nous les rescapés. 19 ans, 300 000 albums vendus. Et la Rolex m'indique l'heure de la pendule. Il manque juste mon père pour lui sous mes prières. Je veux reprendre les concerts, à part ça tout va bien. Gros, je suis propriétaire et fructifie mon pote. Je pars de rien, gros, je pars du bloc. Dis-toi juste que si je l'ai fait, personne pourra te fermer la porte. Comment je peux remercier la cité? De par ma complicité, j'ai traîné avec des gens, des places que je ne pourrais plus citer. Je vois les super en furie quand j'arrive avec nouveau bolide. Ils me demandent si je vais bien, ils me demandent si j'ai pas du liquide. Je vois que des billets de vin, tout va pour qu'ils mangent en équipe. On s'est promis à tous, les équipe bouge, voilà qu'on réplique. Bref, une petite pensée pour ma daronne. Grâce à elle, je suis un homme qui tient sa parole. Et méfiez-vous des apparences, une fois que tes biens ils apparaissent. Fils de pute, tu veux mon pain, à toi je te laisse même pas les restes. Le ciel est bleu, le cœur est vide, j'en remets pas assez. Sans rancune, des souvenirs, comment je peux m'en débarrasser? J'ai le film au bout du fil, vu que moi je suis bon carapé. Ici les gars on enfile, on ne fait pas de karaté. Ah ouais, ouais. On fume la patate, donc à viser tous les cas. On fait des trucs de fou, mais je crois que c'est bien nous les rescapés. Je redescends d'un cran, à chaque sortie je me sens comme pané. Quatrième projet, quatrième guerre, quatrième gagné. Les refs manquent à l'appel, mais sa mère ils sont condamnés. Je suis au bout du film et je les ai plus vus depuis tant d'années. On a consommé la patate, donc à viser tous les cas. On fait des trucs de fou, mais je crois que c'est bien nous les rescapés. On fait des trucs de fou, mais je crois que c'est bien nous les rescapés. 02 07.